Pardon, monsieur. Nous sommes perdus, nous cherchons le château de Bazoches. C'est loin d'ici ? Non, pas du tout. Vous prenez cette route-là devant vous, vous faites 3 ou 4 kilomètres, et vous allez arriver à un village qui s'appelle Villeneuve. Ah oui, je vois sur la carte. Vous passez devant l'église, et vous prenez la deuxième rue à droite. Vous continuez quelques kilomètres, et vous allez voir un panneau « Château de Bazoches ». Ce sera à droite ou à gauche ? À gauche. Vous devez tourner à gauche. C'est un petit chemin qui mène au château. Merci beaucoup, monsieur.